Bonjour, bienvenue dans le podcast Oser le féminisme sur la santé des filles et des femmes. Pour cet épisode, nous sommes avec Éléonore, Alice, Elisabeth, Blandine, Maya et Cécile, du groupe Lesbifem, les lesbiennes et bisexuelles féministes à Oser le féminisme, pour parler de la santé des lesbiennes et des bisexuelles. Est-ce que vous avez déjà eu l'impression que le fait d'être une femme a eu un impact sur la manière dont vous avez été soignée? Oui. Moins être prise au sérieux dans les descriptions des effets secondaires de médicaments. Où disait en gros que c'était pas grave, que c'était pas ça. Et puis d'ailleurs, vous savez que ça fait placebo quand même, etc. etc. Et du coup, une fois aussi, je suis épileptique. Mm-hmm. Du coup, j'ai pris pas mal de traitements différents que je n'ai pas voulu prendre et que je ne prends maintenant plus, sans supervision médicale. Bref. Et je voulais arrêter la pilule que je prenais à l'époque parce que ça interagissait avec. Et quand que du coup ça faisait tripler mes effets secondaires, que je n'avais apparemment pas. Et mon neurologue m'a expliqué que je pouvais pas faire ça aux féministes des années 70, qu'il s'était battu pour la pilule, que lui, quand il était jeune, ça lui avait changé sa vie. Hein? Et que voilà. Donc j'avais, je sais pas, 18 ans, un truc comme ça, j'étais un petit peu sur le cul. Et puis, voilà, 2 ans plus tard, j'ai arrêté de prendre mes médicaments toute seule. Donc, d'avoir l'impression que, de toute façon, peu importe ce que tu vas dire, tu seras pas prise au sérieux, ouais. ou t'auras même pas le temps de finir ta phrase parce qu'il se sera déjà fait une opinion sur ce que t'as ou pas. Ou même si tu arrives et que t'es déjà renseignée, parce que moi, au fur et à mesure, j'ai fini par me renseigner toute seule avant d'aller chez le médecin et me faire des listes de trucs que je voulais dire avec déjà des hypothèses de ce que je pouvais avoir. Et où là, ils te regardent, genre. Ça suffit, doctissimo, quoi. Oui, en fait, peut-être que ce qui peut changer en tant que femme, c'est que, effectivement, moi, j'ai l'impression d'aller voir des docteurs, que ce soit des femmes ou des hommes, mais comme tu disais, avec une liste de questions. Avoir déjà réfléchi pour poser toutes les questions qui me préoccupent en ce moment par rapport à mon corps et par rapport à plein de choses qui arrivent, quelle que soit la spécialité. Parce qu'en fait, il y a tellement de choses dont on parle jamais qu'on se demande si ça peut avoir une incidence médicale, ou est-ce que c'est une conséquence médicale, ou est-ce que ça va être une cause à déclenchement de quelque chose. Et c'est vrai que moi, j'arrive avec pas mal de questions, en fait, quand je vais chez le docteur. Ou la docteur. Et moi, je me fais des listes aussi parce que j'ai peur d'oublier, parce que ça me stresse. À force d'avoir des mauvaises expériences, je suis pas du tout en confiance quand j'y vais, ça me fait un petit peu peur, et du coup, j'ai peur de perdre mes moyens sur le moment et de ressortir en me disant « mais j'ai pas parlé de ça, de ça, de ça », donc je me fais des listes. Et en fait, même avec des listes, moi je dis pas tout parce que j'ai trop l'impression de saouler les médecins. Donc il y a une chose sur deux que j'ai écrit sur mon post-it que j'ai avec moi, déjà je cache mon post-it pour pas qu'il voit la longueur de la liste, et ensuite je pose pas toutes les questions parce que j'ai l'impression de saouler le médecin qui pourtant devrait être là pour moi. Moi, on m'a refusé des informations. Enfin, genre, j'ai demandé encore à ce même docteur avec mon épilepsie comment marche le médicament et comment fonctionne mon épilepsie. Il me dit, ah non, monsieur, c'est pour le médecin. Genre, toi, ça t'intéresse pas. Mais littéralement, dit que toi, ça t'intéresse pas. Et après, j'étais voir une autre neurologue qui voulait me prescrire un autre médicament en plus. Et je lui avais demandé c'est quoi, etc. etc. Et entre temps, moi, j'avais fait effectivement pas des recherches de pro, mais des recherches un peu doctissimo. Mais c'est quoi ce médicament? Il sort d'où? Il est utilisé pourquoi, etc. Et j'arrive et je lui dis quand même ta ta ta ta ta ta ta. Elle était genre, ah non, mais regardez les taux de placebo et puis, enfin, des effets secondaires qui sont imaginaires, quoi. Et puis basta. Il n'y avait pas de conversation, quoi. Pourtant, c'est toi qui le prends, le médicament. Oui, c'est moi qui le prends, le médicament. Elle m'a dit, écoutez, ce qu'on essaie de faire, c'est de vous garantir la vie la plus normale possible. J'étais genre, oui, justement, si on pouvait se concentrer sur ce que ça veut dire pour moi, avoir une vie normale, ce serait peut-être un point de départ un peu intéressant, mais apparemment pas trop. Donc, c'est dommage. Est-ce que le fait d'être lesbienne ou bisexuelle a eu un impact sur votre prise en soin? Bah, j'y vais pas, par exemple. C'est que... l'idée c'est de, vu que je sais, enfin on a parlé de, on va en parler de loading forcé ou autre, moi vu que j'ai pas envie de passer par là, je fais juste pas aller me soigner, et puis ou alors j'ai aussi prétendu être hétéro et mentir pour correspondre à ce qui est attendu, quoi. Donc c'est un impact direct sur la santé, enfin sur notre santé en tant que lesbienne à ce niveau là. Toi, du coup, tu vas pas du tout ou que quand c'est absolument nécessaire? Oui, c'est ça. J'étais plusieurs fois moral quand c'était absolument nécessaire. Mais ouais, j'ai tout feinté. Et même que je continue à prendre la pilule. juste pour ne pas avoir à le faire et faire croire que je suis normale, entre guillemets. Donc c'est ça. Mais là, c'est ça, vu que j'ai arrêté la pilule et tout, je me dis, j'ai pas envie d'en passer par les questions de pourquoi. Enfin, en tout cas, je suis pas encore prête là-dessus. Donc ça, c'est dommage. Ça revient un peu à ce qu'on disait aussi, la question de la confiance, de se sentir, dire qu'on soit femme ou lesbienne là-dessus, quoi, de se sentir écoutée. Il y a comme des a priori, même la première fois que tu vas chez médecin, que tu demandes la pilule, ça revient à la question précédente. Enfin, on ne pose pas la question, c'est comme si c'était normal. On ne dit pas, mais. Enfin, je sais pas, qu'est-ce que toi, quelles sont tes attirances ou tes pratiques ou tes... voilà. Juste à 15 ans, on propose de prendre la pilule, quoi. Ouais, sans, non, de c'est toute ça. Façon, sans te proposer sans, d'autres moyens de contraception, ouais. Même si t'es hétéro à la limite. Mm. Mais dans tous les cas, oui, on se pose pas trop d'autres questions, quoi. Mais c'est vrai que le moment où tu te rends compte que tu vas plus en avoir besoin et où tu vas devoir avoir ces conversations avec un professionnel de santé. Moi, ça m'a fait repousser le retrait de mon stérilet au moins un an et demi. Et finalement, ça s'est très bien passé. Ma gynéco m'a pas du tout demandé pourquoi. Enfin, je lui ai juste dit qu'il me servait pas. Et ça a été tout. Et c'était la seule fois où j'ai pas eu à le dire, finalement. Mais il y a tellement... Je pense que c'est assez français aussi, un truc de... Les femmes doivent avoir une contraception et ça doit être la pilule. Et sinon, etc. Même pour avoir... Déjà, il avait fallu faire tout un truc pour convaincre de mettre un stérilet plutôt que de prendre une pilule hormonale. Mmh. Ça avait été un autre délire. Mais... ouais, cette anticipation-là, c'est sûr qu'elle joue, quoi. Et que j'ai pas envie de changer de gynéco, parce que j'ai pas envie de me dire qu'on va peut-être me poser la question, alors que là, j'en ai trouvé une où j'ai pu éviter. Et... Bon. On est tout le temps obligé d'anticiper, en fait. Ouais. Genre, de dire, de pas dire ma copine, mais de dire la personne que j'aime, par exemple. Mmh. Oui, ça, c'est ça, vous m'inventez, ouais. Ma copine était devenue un copain. Ouais. Ce qui est un peu fou, quoi. Oui, parce qu'on sait déjà que si on reste juste nous-mêmes, ça va être beaucoup plus compliqué que si on manque, si on prétend être autrement, en fait. Mmh. Et que, enfin, compliqué, si déjà il faut expliquer, mais ou devoir des fois insupportable, hyper pénible. Donc on préfère pas tester, en fait. Moi, c'était dans le même cadre que j'étais avec une gynéco qui me disait, mais du coup je vous le retire. Bah oui, je suis venue pour ça, en fait. Ouais. Donc si je suis venue pour ça, vous le faites. Ouais. Et on avait déjà eu la conversation avant, elle me le retire et elle continue, elle revient à la charge. Ouais. Mais alors vous allez faire comment? Ouais. Mais pourquoi? Mais vous avez envie d'avoir des enfants? Bah non. Mais alors vous allez faire comment? Bah j'en ai pas besoin. Mais si vous en avez besoin, bah non, je vous garantis que non, mais ça arrive des fois sans que ce soit prévu, hein. Ouais. Alors là, je dis ouais, ok, et je suis partie juste le plus vite possible, hein. J'étais... Mais elle te l'a enlevé au final. Oui, ouais. Elle me l'avait enlevé, ouais. Mais au début, elle voulait pas. Ouais. À la fin de la première conversation, elle m'a dit, bon, bah du coup, je préférerais pas le faire, est-ce que vous êtes vraiment sûre, est-ce que vous voulez vraiment? Bah déjà que je suis arrivée jusqu'à ton cabinet alors que tu m'es pas à l'aise. Oui, parce que je reviens pas. Et en dehors des gynécos, etc., moi il m'arrivait aussi une petite histoire où je pense qu'il peut rentrer dans cette catégorie-là. Mais ça me fait rire parce que je pense que c'était pas méchant du coup pour le... C'était pas méchant du tout, je pense. C'était cet hiver, j'étais pas bien du tout, ça faisait déjà plusieurs jours, etc. Donc qu'est-ce que je fais avant d'aller au cabinet? Je regarde un peu sur internet, je fais ok, d'accord, bon ben les symptômes, effectivement ça fait penser à ça, donc du coup je vais au cabinet, machin, je dis bon ben j'ai ça, et puis il me dit d'accord, et est-ce qu'il y aurait une possibilité pour que vous soyez enceinte? Je dis ben non. Du coup, il me dit vous êtes sûre? Le double check, tu vois, je comprends tout ça parce qu'effectivement, les nausées, les machins, oui, effectivement. Je dis ben non, vraiment pas. Enfin, j'étais avec une femme. Et du coup, J'ai pas eu d'inquiétude sur le moment parce que c'est quelqu'un que j'avais déjà vu, c'était un médecin que j'avais déjà vu, en qui j'avais déjà confiance et qui est très bien par ailleurs, et je pense pas que c'était intentionnel. Mais du coup, le fait qu'il insiste, je me dis qu'il y a peut-être d'autres femmes à ma place qui auraient pas évoqué le sujet et qui du coup se seraient décerner un mauvais diagnostic, alors qu'en fait j'étais pas du tout enceinte, j'étais juste la mononucléose. Mais je pense que ça peut avoir des impacts comme ça. Là, moi j'étais dans un contexte où non, je pouvais le dire, que en fait j'ai même été étonnée que c'était pas déjà dans mon dossier. Il me semblait déjà en avoir parlé et peut-être ça avait pas été écrit à ce moment-là, mais j'ai trouvé ça assez cocasse comme situation. Mais je me dis effectivement, il y a peut-être d'autres femmes à qui ça arrive et oui, il peut y avoir des erreurs de diagnostic parce qu'en fait, il y a des choses qui sont biologiquement impossibles aujourd'hui. Mais il faut pas que j'ai ça. Pour la PMA, c'est ça. Non, mais c'est vrai que c'est un truc qui m'arrive en chouette à chaque fois. Et peu importe les médecins, quand je vais chez une généraliste, c'est hyper régulier qu'elle me parle de quand vous aurez des enfants. j'ai pas envie d'en avoir. Donc je sais pas pourquoi partir du principe. En fait, j'ai l'impression qu'on n'est pas soignée en tant que femme. En tant que future mère. Mais en tant que productrice d'enfants. Mmh. Et que du coup, il faut qu'on soit en bonne santé pour pouvoir faire des enfants. Et on m'a déjà, sur des calculs d'IMC, en me disant « Non, mais là, ça va, mais est-ce que vous faites du sport ? Parce que quand vous aurez des enfants, ça sera plus la même. Mmh. » Ou alors, pour quand vous aurez des enfants, il faudra faire attention à votre circulation sanguine ou je sais pas quoi, parce qu'il y a des antécédents de phlébite dans ma famille. Mais moi, j'ai pas envie d'être soignée pour quand j'aurai des enfants, j'ai envie d'être soignée pour moi maintenant. Enfin, c'est hyper régulier, je trouve. Et sinon, ce que tu disais, Alice, du coup, ça rejoint un peu ce qu'on évoquait tout à l'heure sur ce qu'on pourrait appeler l'outing forcé, donc le fait de devoir dire qu'en fait on n'est pas hétérosexuel, on n'est pas dans une relation hétérosexuelle en tout cas. Et je pense que c'est assez systématique, et en fait c'est aussi de ça qu'on a peur, et de pourquoi certaines femmes vont moins consulter aussi, je pense. Oui, parce qu'en fait on se sent obligé de le dire, obligé d'anticiper qu'il va falloir le dire d'une manière ou d'une autre, obligé, bon là c'était dans un cadre où ça allait, mais en fait il y a des moments où on peut ne pas avoir envie de le dire, où on peut ne pas être capable de le dire, se retrouver complètement coincé, sidéré par le fait que on est coincé quoi, on sait pas quoi dire. Oui, parce qu'on a peur de la réaction de la personne en face. Exactement, surtout si on ne connaît pas du tout à la base aussi. Oui, parce que c'est n'importe quel... Parce que tu as des médecins, genre ton généraliste, où tu peux plus ou moins choisir selon où tu habites, selon plein de choses, mais quand même développer une relation. Mais moi, ça m'est arrivé, je devais faire une échographie pour mon kyste. Donc, je vais au centre où on m'envoie, c'est le médecin qui est là, machin truc. Qui m'entendait, ah, et alors, machin truc, les allergies au latex, etc. Je dis, non, je crois pas, je sais pas. Vous êtes sûr, mais pourtant, les préservatifs masculins, c'était genre, non, mais j'en utilise pas. Oui, non, mais en fait, c'est parce que, genre, ah. Et puis, il a continué sur son truc, et ça a été, mais il a fallu que, enfin, bref, c'est vraiment, ça tombe de tous les bords, et de tous les trucs, et de tout, enfin, ouais. Et c'est souvent, enfin, c'est pas grave, là, il a pas une réaction particulièrement, mais juste, c'est le petit moment de tension avant où t'essayes d'esquiver un peu, et si c'était juste un tout petit peu moins hétéronormé, ça suffirait à ce qu'ils se disent que peut-être, mais en fait non, j'ai les cheveux longs, alors c'est bon, voilà quoi. T'es obligé de le sortir à un moment ou à un autre pour être éventuellement tranquille. J'arrive avec un t-shirt, c'est écrit dessus. Coucou, je suis lesbienne. Non, alors en plus que t'es dans une situation où tu dois être soignée, donc t'es dans une situation où t'es pas totalement bien, où t'es... Ah ouais, non, donc ouais. C'est une double charge, c'est comme... Et ça, moi, c'était au moment où ils ont introduit... Enfin, j'étais partie à ce moment-là, mais quand je suis revenue, ils ont ces espèces de fichiers que tous les médecins font. Enfin, maintenant, on a un fichier qui a attaché notre carte vitale. Et moi, je ne l'avais pas encore fait parce que je n'étais pas en France. Et j'ai arrivé chez le médecin cet hiver et j'étais vraiment malade. J'avais la fièvre, j'en pouvais plus. Je voulais juste qu'il me dise ce que j'ai et qu'il me donne mes médicaments, qu'il me laisse retourner dans mon lit. Et là, le mec se rend compte que j'ai pas le dossier et commence à remplir tout le truc. Alors, combien de verres d'alcool, parce que j'en avais tout ça, hein. Et alors, les rapports à risque récemment. Et c'est parti dans tout un truc où je voulais pas le dire, et puis j'ai fini par le... C'était un médecin que je connaissais pas, parce que je viens de déménager, c'était un remplaçant, mais... Et genre, j'ai fait semblant de penser que c'était des risques de grossesse, et j'étais genre non, etc. Et il est parti dans tout un truc sur les IST, en me disant, mais comment ça, mais vous savez même pas comment ça marche, mais enfin, mais sans lui m'expliquer après comment ça marchait derrière, et moi qui sais juste des trucs pour qu'il me donne mes médicaments et que je m'en aille. Mais après, je me suis dit, est-ce que ça veut dire qu'il a... Je me suis pas rendu compte quand il me posait les questions que c'était pour ce formulaire. est-ce qu'il a écrit sur ce truc que je couchais qu'avec des femmes et qu'à chaque fois, parce qu'après j'ai été revoir un autre médecin qui me dit, ah oui alors donc 4 à 5 verres d'alcool par semaine, et j'étais genre, et vous voyez avec qui je couche sur votre machine, ou genre c'est quoi le... Enfin je sais pas, il y a un côté où des fois j'aimerais bien que ce soit écrit et dit et comme ça juste j'ai pas à le dire moi, et des fois je sais pas, enfin on n'est pas trop en contrôle quoi, et c'est un peu lourd. Mais ouais parce qu'il y a quand même une relation de pouvoir, enfin un rapport de pouvoir en fait entre un médecin, une médecin et la personne soignée, où tu viens parce que t'as un problème de santé ou tu viens faire un suivi, enfin en tout cas t'es en attente d'un soin, et que si tu lui dis je suis lesbienne et que la personne réagit mal, t'as peur d'être moins bien soignée, t'as peur que, enfin tu te retrouves un peu dans un espèce de huis clos où t'es toute seule dans la pièce, dans le cabinet, et puis tu sais pas trop ce qui va t'arriver. Oui, c'est sûr. Enfin, que ce soit juste des mots, enfin, que ce soit des insultes ou des paroles humiliantes, ou alors juste des conséquences beaucoup plus graves sur ta prise en soin. On n'a pas envie de voir jusqu'où ça peut aller. Et alors que des fois, ça passe tout seul, mais... Ouais. Mais on a peur de manière générale. Et du coup, tu parlais d'MST et d'IST, donc on peut peut-être aborder ce sujet-là aussi. Mais oui, non, mais juste, moi, j'avais jamais... Mais je pense que, jamais on m'a fait de la prévention, jamais j'ai vu une campagne, jamais à l'école, on m'a... Enfin, s'il n'y avait pas de... Ça n'existait pas, quoi, juste, c'était pas... Et après, bon, oui, c'est vrai que, bon, moi, ça m'avait vaguement effleuré l'esprit, mais j'avais pas fait de recherche internet, et je sais pas, le sida, le lesbien, je sais pas, j'avais pas de, bon, bref, et j'étais là avec mes 39 de fièvre, et ma copine qui m'attendait dans la salle d'attente, et c'était vraiment, mais un espèce de, mais vous savez même pas ça, et machin truc, je sais pas quoi, mais sans après me dire, ah bah alors, faisons le point, ou revenez me voir quand vous êtes mieux, et on fera le point à ce moment-là, ou tenez, j'ai cette super brochure, ou tenez, d'ailleurs... on a ces méthodes ici de prévention à distribuer gratuitement à côté des préservatifs. Non, il n'y avait rien de tout ça. C'est après moi qui suis rentrée chez moi qui me dis Google. Mais il n'y avait pas. La seule interaction avec le médecin, c'est une petite irresponsable, quoi. Un espèce de. Oui, mais il y a des raisons pour lesquelles je ne le sais pas. Ça tombe pas du ciel. Et votre job, c'est pas de me faire la morale, même si oui il faut que je fasse attention à ma santé, que j'en suis responsable, c'est pas, mais bref, voilà. Parce que l'éducation à la sexualité, que ce soit à l'école ou même quand on est grande, en fait on parle que de rapport avec pénétration, et donc en fait on parle que de rapport à l'hétérosexuel, donc on parle que de préservatif masculin. Et du coup, on n'a pas du tout l'impression qu'un autre rapport sexuel, bon déjà que ce soit un vrai rapport sexuel en fait, et ensuite que ce soit qui est à risque, entre guillemets, quoi. Et moi, un truc qui me rend ouf, c'est toutes les campagnes de prévention SIDA, IST, où en fait, on voit que des couples hétérosexuels, et de temps en temps, on met un couple gay. Mais alors, les lesbiennes, ça n'existe pas. Oui, et puis ça renvoie le message que les femmes peuvent pas se transmettre de maladies entre elles, alors que c'est pas vrai. C'est quand même n'importe quoi. Et concrètement, les femmes n'utilisent pas de moyens de protection. Non. Mais aussi parce que moi j'en ai jamais vu dans une pharmacie, j'en ai jamais je sais pas, un truc qui est déjà des capotes, il y en a pas suffisamment on peut dire, mais là c'est pas, moi on m'a déjà donné des trucs pour justement prendre un préservatif pour un mec et le découper pour faire, mais c'est vraiment, faut être motivé, quoi. Faut faire du bricolage. Pause, attention, excuse-moi, je sors les ciseaux, petit kit, ok, rectangle, c'est bon, on est reparti. C'est des choses qui se disent dans des associations où on dit tu peux découper des gants ou tu peux découper des préservatifs, mais franchement est-ce qu'on dirait ça à des mecs? Non, ils ont leur capote et tout va très bien, il y a que nous qui devons faire du bricolage ou comment ça se passe. Rien qui est prévu pour nous, genre, nous... rien qui existe, et nous on nous dit tranquillement faites du bricolage, prenez vos ciseaux, faites un petit carré, ou utilisez une digue dentaire alors qu'a priori à la base ça sert pas à ça en fait. Ça fait totalement peur quand on met digue dentaire sur Google Images, on trouve des images de chirurgie de la bouche, c'est juste totalement flippant en fait, qu'on n'a pas vraiment envie d'utiliser ça. Et puis en plus, c'est juste introuvable, il n'y a pas des distributeurs de digues dentaires à la sortie de toutes les pharmacies, quoi. Et au-delà du fait que c'est inaccessible, c'est vrai qu'on n'a même aucune information, ça va ensemble, mais on n'a même pas l'information que ça serait peut-être une bonne idée d'en utiliser. Mais du coup, c'est du bricolage, que ce soit pour la protection des ISD ou pour la PMA, puisqu'en fait, la plupart des femmes qui veulent faire une PMA aujourd'hui en France, soit elles ont de l'argent et donc elles vont en Belgique ou en Espagne, soit elles en ont pas et elles font des inséminations artificielles, donc du bricolage là encore, où elles utilisent des seringues, on sait pas trop d'où elles viennent, voire elles ont des rapports sexuels avec des hommes alors qu'elles veulent pas avoir de rapports sexuels avec des hommes, donc on en revient à du bricolage. On est contrainte au bricolage en permanence, quoi. Okay. Avez-vous déjà eu des mauvaises expériences dans le cadre de soins ? Oui. Et lesquelles ? Quand ? Où ? Comment ? Et qu'est-ce qui vous énerve ? Du coup, tout à l'heure, on parlait de présomption d'hétérosexualité. Mmh. Bah, même la dernière fois, je crois que je suis allée donner mon sang. Et bah, une des questions, c'est toujours depuis quand vous avez eu un rapport sexuel ? Parce que je crois qu'il faut 3 mois de délai... il faut 3 mois sans un rapport sexuel avec un nouveau partenaire. Ouais. Et donc, en fait, donc le monsieur me demande vous avez un copain est-ce que c'est un nouveau copain machin Donc, là encore, en fait, on est outing forcé, on est obligé de dire j'ai une copine. Ah, bah ça va, c'est pas grand chose. Et du coup, tu passes les 3 mois. Ouais, du coup, en fait, tu n'as pas besoin, tu peux avoir une nouvelle copine d'hier, parce qu'en fait, c'est pas vraiment grand chose, parce que c'est pas vraiment de la sexualité entre femmes. Et d'ailleurs, l'établissement français du sang est pas très clair, je trouve. Il faut vraiment aller fouiller dans les petites lignes du site internet pour savoir en fait comment on se positionne en tant que lesbienne dans le questionnaire. Parce que franchement, si on a juste le questionnaire sous les yeux quand on va donner son sang, bah c'est pas si clair en fait de dans quelle case on rentre en fait pour eux, pour donner son sang. Par rapport à quelle case ? Bah justement par rapport au dernier rapport sexuel, par rapport à un truc comme ça en fait. Parce que c'est expliqué clairement pour les gays, par exemple, puisqu'il y a plus de risques que pour la population normale. Oui, qui s'en servent pour interdire le nom du sang aux hommes gays, en fait. Exactement. Mais du coup, les lesbiennes, elles sont nulle part, en fait. Elles sont pas dans les lignes. Et du coup, c'est aussi une façon de nous mettre dans une case disponible ou pas sexuellement, limite, parce qu'en fait... savoir si justement il y a un homme ou pas dans notre vie, bah en fait pour les hétérosexuels qui vont répondre, et bah c'est aussi savoir est-ce que la petite devant moi elle est dragable ou pas, est-ce que elle a quelqu'un quoi. Ouais. En plus. Bah oui. Et puis c'est une injonction à être en couple en plus d'être d'une injonction à être en couple hétérosexuel. Mais... Non mais c'est un truc hyper normopathe en fait, où vraiment quand tu leur dis vous preniez une contraception, non. Ah bah vous voulez des enfants ? Non. Mais vous êtes célibataire alors ? Bah non plus. Ou alors, enfin vous avez pas de... Enfin déjà ils te demandent pas si t'as pas de rapport sexuel ou pas. Déjà quand tu dis que t'es pas célibataire, ils bug complètement. Et ils cherchent et c'est hors de leur logiciel. Ça en fait pas partie. Et bon je pense que c'est compliqué pour les femmes célibataires aussi parce que t'as une injonction, comme tu disais, à être en couple, que ce soit... Enfin hétéro en fait, mais... Un truc de « on n'est pas normal si on rentre pas dans la case préétablie du médecin de « t'es en couple hétérosexuel », quoi. Bah ouais. Et si au bout d'un certain âge, on n'est pas en couple avec des projets d'enfants à plus ou moins long terme, on n'est pas normal. Alors, pour les lesbiennes, c'est encore pire. C'est au-delà de tout radar pour les professionnels de santé, en fait. T'as l'impression qu'ils cherchent une petite bête, qu'ils trouvent pas la logique jusqu'à ce que tu leur dises... Et du coup, ça, c'est sans compter l'éventuelle lesbophobie des médecins, puisque une copine qui, une fois, est trop en confiance, genre, elle arrive et puis elle le dit spontanément, quoi. Genre, et puis, en fait, le comportement du médecin en face a radicalement changé et il est devenu super froid et en fait, ça te pète l'envie de le dire la prochaine fois, quoi. Oui, surtout quand au départ, effectivement, ça m'arrive aussi, hein, des médecins qui sont aussi intéressés par leurs patientes. Là, et... Donc si tu leur dis que t'es lesbienne, ça leur casse leur désir, donc ils sont déçus, quoi. Et là, ça peut être une réaction un peu de rejet, quoi. Parce que ça... Enfin, juste, on parlait en tant que femme, mais ça arrive aussi quand même, ces situations un peu problématiques de médecins un peu... pervers, on va dire. Nous, on a eu ça juste pour la médecine du travail, en fait. Et chaque femme a eu un traitement spécial par le médecin et les hommes, non. Il fallait qu'on se déshabille complètement nus, par exemple. Et ils nous palpaient et tout. Enfin, bref, c'était... Enfin, qu'on l'a fait remonter au niveau de de notre école, mais enfin voilà, j'imagine même pas si après elle avait posé des questions puis qu'elle avait dû dire que j'étais lesbienne, ça aurait été. Est-ce qu'il y a d'autres mauvaises expériences ou de trucs qui vous énervent dont vous avez envie de parler? Bah moi j'ai découvert un super cabinet médical et depuis, enfin je trouve que tout se passe vachement bien en fait sur ma prise en charge médicale. En tant que femme, en tant que lesbienne, j'avais pas trop expérimenté, mais en tant que femme, en tout cas, genre, tout d'un coup, on me croit quand je donne des symptômes, du coup, on me fait faire des examens médicaux complémentaires pour, en faisant des hypothèses, en fait. Enfin, mes médecins font des hypothèses sur des trucs que je pourrais avoir et me font faire des examens complémentaires. Genre, remettre pas en question ma parole de « j'ai mal », par exemple. On me pose la question des violences. Donc, c'est ce qu'on appelle la détection systématique des violences, genre... pose la question, est-ce que vous avez déjà été victime de violence, quoi. Quand on répond oui, bah, éventuellement, il y a une petite discussion qui s'engage, quoi. Les médecins ont été formés par le collectif féministe contre le viol, donc elles sont un minimum formées à ces questions. Et c'est ouf, en fait. Je trouve ça révolutionné. Maintenant, j'ai envie d'aller chez le médecin. Puis, surtout, je trouve que ça... Moi, je connais aussi ce cabinet médical, et je trouve que ça aussi... complètement bouleverser ma manière de penser et d'imaginer ce que peut être un ou une médecin généraliste et un ou une gynéco. Parce qu'en fait, là, tout est généraliste et ou des sages-femmes. Enfin, et du coup, et ben, ça veut dire que en fait, je suis plus obligée d'aller chez le ou la gynéco et que je peux aller juste chez un ou une généraliste et pouvoir poser toutes les questions possibles et imaginables. Et après, éventuellement, me faire réorienter selon les spécialités, mais en fait, là, j'ai un point de contact et qui prend soin de moi et qui peut me parler de ma vulve, de mes maux de ventre, de n'importe quoi, en fait. Donc, on n'est plus obligé d'aller voir un médecin pour traiter d'un petit morceau de soi, mais on peut aller voir un médecin qui, en fait, va être notre médecin traitant de base et ensuite qui va pouvoir... je trouve, s'occuper de moi, mais de manière globale, quoi. Que je vais pas aller voir que pour un truc spécifique, mais je pourrais aussi lui poser d'autres questions. Parce qu'en fait, ça va être juste mon médecin traitant de base. Ouais, j'ai un peu ça aussi dans un autre cabinet, où j'ai vu 3 médecines récemment, et toutes les 3, elles étaient super. Et où effectivement, je me sentais écoutée. Quand je dis que je suis fatiguée, qu'elle me demande ce que je fais dans mes journées, et elle dit ah bah oui, ça m'étonne pas que vous soyez fatiguée. Et où en fait je me sens beaucoup plus prise en charge en tant que personne entière et pas juste un petit morceau ou juste, je sais pas, juste un genou, juste un coude, juste un œil, juste un nez qui coule. Et pareil, elles font aussi un petit peu de gynéco, mais elles vont pas non plus faire, enfin, elles sont pas non plus spécialistes, mais elles font le suivi de base. Et je trouve ça chouette de pas avoir besoin d'aller chez des spécialistes à chaque fois et d'avoir la même personne qui peut s'occuper de presque tout. Est-ce que, enfin, au niveau de leur formation, est-ce que c'est médecins, médecine, est-ce qu'ils ont reçu est-ce que c'est un choix de leur part ou est-ce qu'elles ont parce que vous savez si elles ont reçu en dehors de ce que tu as dit de le viol ou autre, mais est-ce qu'elles ont eu des, parce que moi ce par rapport à toutes les discussions qu'on a eues, ce qui me questionne c'est la formation des médecins et gynéco, et on voit qu'il y a un réel problème parce que Bah là, dans ce cabinet médical, en tout cas, c'était une vraie volonté du cabinet médical de s'orienter comme ça. C'est-à-dire que les médecins qui ont créé ça, ils ont décidé de créer un dispositif qui soit pas un dispositif de... Où, je sais pas, il y a le médecin au-dessus et puis le patient en dessous, par exemple, mais où ce soit plus à égalité, où ce soit dans la bienveillance, où, par exemple, les rendez-vous médicaux sont longs. C'est pas comme ça se fait souvent quand même en région parisienne, genre expédié. Ou non, t'as ton rendez-vous médical, ou ailleurs d'ailleurs, mais t'as ton rendez-vous médical qui dure vraiment 15 minutes, avec des créneaux qui sont prévus de 15 minutes, où tout l'administratif est délégué à des secrétaires administratives qui en fait gèrent cette partie-là, donc ça retire aussi un poids aux médecins qui sont vraiment là pour s'occuper de toi et de ta prise en charge médicale de A à Z pendant la consultation, en fait. Ils sont pas obligés de gérer tous les trucs administratifs à côté. Et oui, c'est une vraie volonté, quoi. Ouais, et ils recrutent des médecins qui sont avec cette volonté-là aussi. Et par exemple, il y a une des médecins que j'ai vu pas mal, qui est spécialiste en gynéco, et qui Elle m'a dit, par exemple, on a parlé endométriose, elle m'a dit, bah, pendant toutes mes études de médecine, donc genre c'est entre 8 ans et 10 ans d'études de médecine, on m'en a pas parlé une seule fois. Et c'est moi qui ai voulu m'orienter et parler, enfin, faire des formations complémentaires, parler de ça. Oui, clairement, actuellement, je pense que c'est ça, c'est plus sur du volontariat. Bah oui, la formation des professionnels de santé, que ce soit les médecins ou même d'autres professions de santé, c'est un vrai problème. Et d'ailleurs, il y aura un volet dédié dans la campagne pour parler de formation, parce que on a aussi beaucoup de choses à en dire. Et sur les bonnes expériences dans ce cabinet médical aussi, je trouve que les médecins, hommes et femmes que j'ai vus, elles expliquent vachement tout ce qu'elles font. Donc que ce soit pendant un examen gynécologique, bon déjà, examen gynécologique n'est pas systématique, donc ça c'est génial, et ensuite quand elles sont amenées à faire un examen, que ce soit gynécologique ou juste de santé en général, elles expliquent tout ce qu'elles font. Elles disent en même temps ce qu'elles font et pourquoi, à quoi ça sert. Enfin, moi il y a déjà des médecins là-bas qui m'ont genre sorti des schémas pour m'expliquer ce qui se passait dans mon corps, et c'est juste génial en fait, tous les médecins devraient faire ça. Et qui décrivent aussi tout ce qu'elles ou elles font avant même de nous toucher. Enfin, bah là, je suis en train de déchirer la pochette pour sortir tel objet, etc. Avant de faire ça. Donc je vous explique, je vais faire ça, ça aura à peu près telle sensation. Et ça change aussi vachement. Oui. Et ou qui te demande avant de te toucher aussi, est-ce que je peux vous toucher là, est-ce que c'est bon, on y va quand vous êtes prête. Et c'est vrai qu'on t'explique ce qu'on va te faire, ou ce qui t'arrive, ou ce que la personne voit. Enfin, moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des échographies où le mec, il faisait des petits bruits à côté, des « ah oui, d'accord », et il ne disait pas ce qu'il voyait, et juste, ça fait peur à force, parce que tu sais pas ce qui se passe. On parle quand même de toi, ça peut avoir des conséquences sur ta santé, et l'autre il est juste en train de faire comme si t'étais devant la télé. En fait, il est en train de voir tes ovaires. Et ouais, je me souviens que ça m'avait fait vraiment presque paniquer. Ouais, moi aussi j'avais de pas avoir d'infos à ce moment-là. Et du coup, contrairement à ma première consultation gynéco où on m'avait fait me mettre complètement à poil par exemple, et où il y avait le truc avec les étriers super froids aussi, comme la gynéco et son machin, son spéculum. Bah, dans ce cabinet médical là, il n'y a pas les étriers, donc les examens gynéco se font allongés, pas sur le côté, on n'est pas encore là, mais en tout cas sans les étriers, donc c'est déjà différent, et ensuite sans te mettre complètement nu, c'est-à-dire qu'on te tire, on retire que le haut pour les examens du sein, des seins par exemple, que le bas pour les examens du vagin par exemple, et ça aussi ça change beaucoup de choses je trouve. Oui, parce que ça sert à rien d'être complètement nu pour... pour un examen des genoux, on va pas te demander de te mettre complètement nu. Pourquoi pour un examen du vagin, on te demanderait de te foutre à poil? Et la table d'ailleurs passe vraiment en position assise. Et du coup, pour un examen de santé, enfin juste où t'as pas besoin d'être allongé en fait, qui te met complètement à la merci du médecin, bah tu peux être juste assis et du coup t'es à la même hauteur que le médecin. Enfin, ça change aussi beaucoup le rapport de force qui devrait pas y avoir et qu'il y a pas dans ce cas-là, je trouve. Et il y a autre chose aussi, on parlait tout à l'heure de expliquer le ou la médecin est en train de faire. Et il y a aussi, moi ce que j'ai beaucoup apprécié avec ces praticiens-là et ces praticiennes, c'est qu'il y a même des moments où en fait réellement j'étais actrice en fait, où je pouvais vraiment choisir ce que j'étais en train de faire avec le ou la médecin qui était en face. Moi j'ai un exemple assez récent qui était le retrait de mon stérilet, où c'était la panique totale pour moi. Ça faisait des mois que j'anticipais, que je ressassais, que je me dis mais ça va être affreux et tout. Et en fait c'est elle qui m'a dit ça va faire telle sensation. Elle m'a dit clairement, en fait, il va falloir que vous toussiez, et quand vous allez tousser, et c'est vous qui allez tousser, je vais retirer en même temps. Parce que c'est un peu une méthode qui fait que comme ça on ne sent pas passer le stérilet à travers le col de l'utérus. Et en fait, y a aussi un truc vachement, vachement réconfortant et vachement... Enfin, je ne sais pas trop comment exprimer, mais réellement, en fait, j'ai pu prendre mon temps et faire le geste, faire l'action qu'elle m'avait conseillé de faire. Et c'était moi qui choisissais quand. Il n'y avait pas un compte à rebours uniquement de sa part. Et du coup, elle faisait son travail de son côté. Et genre, moi, j'étais complètement sur la table, elle mangeait. Ça, c'est vachement bien. Et de la même façon aussi, c'est un cabinet, on l'a un petit peu dit tout à l'heure, qui explique vachement ce que c'est, ce qui nous arrive, pourquoi on a ces symptômes-là. Enfin, moi, je ne savais pas ce que c'était clairement une grippe avant d'arriver dans ce cabinet-là. En fait. Donc, ils t'expliquent, ah, voilà, les petits virus ou les petits machins, les petits bactéries, elles font ça, clairement, dans votre corps. Donc, voilà, c'est pour ça que vous avez mal à tel endroit, c'est pour ça que ça fait tel effet. Souvent, il y a cet effet-là, mais c'est pas systématique, ça peut aussi faire cet effet. Et puis après, bon, voilà. Donc, ça, c'est déjà hyper plaisant et même, de savoir ce qu'on a, en fait, de ce qui se passe réellement dans notre corps. Et surtout, moi, ce que j'ai énormément apprécié, c'est le choix qui a pu... le choix que j'ai pu faire, les choix qui m'ont été proposés pour me soigner. C'est pas... on m'a pas imposé, prenez tant de boîtes de Doliprane à la pharmacie d'à côté et puis rentrez chez vous, vous couchez. Non, c'est alors... Pour ce cas-là, vous pouvez faire ça, ou ça, ou ça, ou ça, ou ça, ou ça, ou ça. Et en fait, je me suis retrouvée à lui demander de répéter, parce qu'en fait, j'étais tellement émerveillée par tout ce qu'il me proposait, et par tous les gens aussi, que j'étais en mode, je ne sais plus quoi choisir. Répétez, s'il vous plaît, j'annule déjà ça, ça, qu'est-ce qui reste et de pouvoir choisir aussi si on a envie d'être traité... avec des médicaments lourds dont on parlait tout à l'heure qui vont avoir des effets secondaires hyper présents mais qui vont nous calmer parce que la douleur est trop présente, ou est-ce qu'on préfère plutôt être sur des méthodes naturelles de soins, et auquel cas c'est pas du tout repoussé, c'est juste adapté. Alors oui, vous pouvez faire ça, ça va avoir tel effet, bien sûr ça va peut-être prendre plus de temps ou ça va avoir tel effet, bref. Enfin, c'est vraiment avoir le choix de comment est-ce que je me soigne, en fait. Pas seulement avec du Doliprane, mais avec plein d'autres façons. Et est-ce que vous avez des bonnes expériences en tant que lesbienne ? Parce que là, on parle de manière très générale, mais après, juste le fait de ne pas avoir de bonnes expériences particulièrement en tant que lesbienne, c'est déjà peut-être un bon indicateur, parce que ça veut dire que c'est un endroit où on t'a pas forcé à le balancer, déjà, et c'est agréable. Pour moi, c'est ça, c'est vraiment le truc que j'ai anticipé pendant des mois. J'avais trop peur d'aller voir ma gynéco en lui disant, après avoir fait des pieds et des mains pour lui convaincre de mettre un stérilet, que maintenant, non seulement je voulais qu'elle m'enlève, mais qu'en plus, je voulais pas de contraception. Et finalement, en fait, j'ai un peu forcé le trait sur par anticipation aussi, mais sur les effets que ça avait sur moi, en disant que j'avais beaucoup plus de douleurs, etc. Et j'en avais plus, mais pas autant que j'ai laissé entendre. Et finalement, en fait, j'ai juste eu à lui dire ça que je m'en servais pas. Et elle m'a pas demandé, c'est-à-dire, juste être. C'est quoi là, l'information dont vous avez besoin ? Genre, allergie au latex ? Ok. Ah, qui est-ce qu'il y a dans ma vie ? Là, non. Enfin, faites en sorte que si j'ai envie d'en parler, je puisse. Mais a priori, je vois pas trop dans quel cas. À part me dire, maintenant on fait une minute, je sais pas, prévention IST, est-ce que vous avez des questions au courant ? Ok, mais pour moi, c'était. Mais du coup, voilà, la bonne expérience, c'était ne pas avoir à en parler. Ne pas avoir à dire. Donc, Ou alors ça pourrait être, j'imagine, n'importe quoi, mais je sais pas parce que je sais pas si ne pas en parler du tout c'est une bonne solution. Enfin, en fait, j'en sais rien. Mais est-ce que ouvrir un cadre, on parle beaucoup de la détection systématique sur les violences, je sais pas, est-ce qu'il y aurait pas une manière d'en parler, je sais pas. Oui, non, je dis pas que genre l'idéal c'est de jamais en parler, mais c'est de pas être obligé en tout cas d'en parler systématiquement. Oui, sans savoir ce que ça va donner derrière, parce que c'est vrai que dans un monde idéal, en fait, on pourrait arriver, en parler, peut-être ça serait une question automatique, et puis voilà, c'est réglé après. Et effectivement, ça change en fait. Des choses dans ta prise en soin, il y a des choses qui sont peut-être plus à risque, d'autres moins. Enfin, il y a peut-être des problématiques spécifiques qui, du coup, sont pas du tout détectées puisque on n'a pas envie de le dire parce qu'on a peur, ou alors parce qu'il y a trop d'a priori, que la recherche, peut-être, elle n'est pas vraiment bien ciblée là-dessus. Mais là, si le problème d'en parler, c'est surtout que, du coup, on a peur des réactions qu'on va avoir. Mais du coup, justement, on peut se mettre à imaginer et se demander de quoi est-ce qu'on aurait besoin, en fait, pour estimer qu'on est bien soigné en tant que lesbienne, du coup. Mais je trouve que la détection systématique, ça instaure un cadre de confiance aussi. Enfin, c'est dans le cabinet dont on parlait, en fait, ils font une petite fiche, pas une fiche de police avec 1000 informations, mais avec les informations qui leur importent, avec les trucs un peu classiques, à savoir est-ce que vous avez déjà eu des cancers dans votre famille, le diabète, blablabla. Et puis, ben, est-ce que vous avez déjà été victime de violence, enfin, je ne sais plus comment ils posent la question, mais ce genre de choses. Et aussi, quel type de relation sexuelle on a. Et là, on est libre. Je me souviens plus trop, parce que ça fait longtemps, mais il me semble qu'on est à peu près libre de dire ce qu'on veut. Et étonné que c'est un peu dans notre fiche, et qu'on l'a déjà dit, et que du coup, a priori, tous les médecins de ce cabinet bienveillants sont au courant, bah, ça fait que la prochaine fois, eh ben, on va pouvoir le dire un peu plus facilement que « Et au fait, j'ai ça en ce moment, est-ce que ça peut avoir une incidence sur ma compagne, etc. » Je sais pas si c'était clair. Mm-hmm. Le fait de le poser, oui, ça permet qu'après, quand on revient, on n'a plus besoin de le dire une fois que c'est écrit quelque part. Ouais. Et justement, cette anecdote sur la méprise de « Est-ce que j'ai les symptômes de grossesse ou pas ?» En fait, ça m'a étonnée qu'il me pose la question parce que je pensais que c'était déjà dans ma fiche, donc je pense qu'il avait genre mal lu ou sur le moment. Et ça m'a pas gêné de le rappeler, mais du coup, je pensais que c'était déjà écrit en haut, à côté de mon nom ou quelque chose comme ça. Je sais pas. Il y a un petit signe distinctif. Non, mais et en même temps, après, il était en mode vraiment. Bah oui, c'est sûr que si je pose pas la question, je peux pas le savoir. Ou si je pose pas la question. J'ai vu, il a formulé un truc un peu comme ça dans sa voix en mode ah oui, c'est sûr que bon. J'y ai pas pensé. Voilà quoi, il s'est rendu compte que du coup il avait fait une boulette ou que bref. Ouais. Du coup, dans c'était une... pas de ma faute, mais bien de la sienne. C'est vrai que dans une prise en charge idéale, pardon. Ça pourrait être intéressant justement d'avoir des professionnels de santé qui montrent que bah, c'est possible d'en parler avec eux. Qu'on n'est pas obligé quand on n'a pas envie, ou si on n'a pas envie, mais que si la fois d'après, ou encore après, si un jour, on a envie d'en parler parce qu'on a des questions spécifiques sur notre sexualité, ou... bah en fait, c'est possible. Et qu'on ne va pas être mal reçu, parce que je pense que c'est déjà, ça nous enlèverait pas mal de craintes. Mais juste montrer qu'il n'y a pas l'assomption d'hétérosexualité de base. Pour en parler, tu n'es pas obligé d'aller à l'encontre de quelque chose. En tout cas pour moi juste ça me ferait me sentir beaucoup plus à l'aise pour en parler si j'en avais besoin pour x ou y raison, mais c'est vraiment ce truc de ah donc là je suis dans cette situation parce que je colle à ses attentes mais il va falloir que je défasse ça et que je sais pas ce que ça va faire comme réaction chez le alors que ouais si c'est posé comme étant ouvert et ouvert au changement aussi parce que tu peux arriver en étant hétéro et puis vice versa j'en sais rien mais que juste ouais créer cet espace là quoi sans et avoir des informations sans te mettre dans une case de base quoi parce que c'est ça le problème c'est hétéro qui va avoir des gamins incessamment sous peu et que c'est bon. S'il n'y avait pas cette présomption mais qu'il y ait plusieurs alternatives et que le médecin les évoquait, ce serait plus simple de dire bah oui, moi je suis dans ce cas-là que directement. Si cette alternative n'existe pas dans sa tête, ça devient très compliqué de l'imposer. Ouais. Je suis en train de me dire qu'est-ce qu'on pourrait donner comme conseil en fait à des professionnels de santé qui auraient envie de faire mieux. Après, sur les médecins lesbophobes, en fait, on pourrait. Pardon, je réponds pas à ta question, je réponds à. Mais c'est important aussi parce qu'on en a pas beaucoup parlé. Y en a qui le font vraiment exprès, qui sont pas juste mal formés, qui vraiment sont violents. Mais juste, les dénoncer parce qu'en fait, on n'a pas le droit d'être homophobe. Enfin, l'homophobie, le sexisme, c'est des choses qui sont interdites dans la loi, en fait. On n'a pas le droit de discriminer dans l'accès, notamment à la santé, des personnes en raison de leur orientation sexuelle ou de leur sexe. Donc en fait, de base, ça devrait pas exister. On devrait pouvoir les dénoncer, on devrait... Bah oui. Okay. C'est eux qui devraient avoir peur, en fait. Ouais. Et pas nous. Et je suis pas sûre que ça ait été déjà... qu'il y ait déjà eu des médecins qui étaient dénoncés ou quoi. Pardon pour cette petite pause boisson. Ouais, du coup, pour... est-ce qu'on a des conseils qui nous viennent à l'esprit? Déjà, ouais, effectivement, ne pas faire de présomption d'hétérosexualité, de laisser l'espace d'en parler. Avoir de la docu aussi. Parce que parfois, enfin, il y a plein de fois où, je sais pas, moi je me retrouve chez un salon de dermato, c'est une dermato qui est passionnée de je ne sais quelle maladie de la peau, machin truc. Bon, je vais lire les trucs qui sont là. Enfin, ça, l'espace du cabinet, ça peut aussi être un espace d'information au-delà de l'interaction directe avec le médecin. Et des fois, il y a des questions tu vas pas avoir envie de poser, mais si elle a la docu qui est là, t'inquiète, puis tu vas la mettre dans ton sac, et puis voilà, et avoir, et puis ça montre aussi, je veux dire, quand t'arrives dans une salle d'attente et que tu vois qu'il y a une brochure d'un gynéco avec des trucs qui sont des problématiques spécialement, enfin, spécifiques aux lesbiennes, etc., c'est un cadre qui, voilà, ou avec des numéros à appeler, enfin, qu'il y ait un peu une, parce que, enfin, des... Enfin, je sais pas si c'est le plus gros problème, mais c'est vraiment qu'on n'est pas informé. Il y a, à mon avis, il y a plus de ressources quand même que ce dont on... Enfin, ce dont moi, je suis au courant, j'imagine. Il n'y en a pas suffisamment, mais qu'il y a vraiment un problème de relais et que bah, c'est quand même les professionnels de santé qui ont ce rôle-là à jouer aussi, quoi. Donc, ouais. Du coup, à voir à la prochaine affiche de féminisme sur la santé des lesbiennes dans son cabinet, dans la salle d'attente, la prochaine brochure. Et le podcast, écoutez. Et exactement, le podcast qui tourne en boucle dans la salle d'attente. Avec les petits bruits de fond. Voilà, ce qu'on propose. Et il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, parce que là, on parle de ce qu'il faudrait faire, et en fait... La lesbophobie dans les soins, de manière générale, ça a des conséquences sur la santé des lesbiennes, notamment du fait qu'on y va beaucoup moins. On va beaucoup moins consulter alors qu'on n'en a pas moins besoin que les autres femmes. Et il y a notamment des études qui montrent que les lesbiennes ont davantage de cancers et sont moins bien dépistées. Donc peut-être qu'on peut parler de ça aussi un petit peu sur les conséquences que ça a. Le fait qu'on n'aime pas y aller, on y va moins... Et ça, je pense aussi, c'est des choses qui varient avec l'âge. Et où c'est, par exemple, je pense qu'à mon âge, donc genre la vingtaine, un des problèmes de dire que t'es lesbienne, c'est qu'on ne te croit pas. C'est-à-dire que c'est qu'une phase, que genre t'as une petite midinette qui fait son machin. Et que les. Mais, a priori, quand même, physiquement, ça va. Mais que ces conséquences-là, comme tu dis, les taux de cancer, c'est des choses qu'on mesure bien après. C'est après 20 ans de ne pas avoir vraiment fait de suivi, de ne pas être vraiment informée. Et où là, on va plus te faire le coup de « Ah bah non, quand même, c'est que... » Voilà, mais où on va... Enfin, ouais, c'est sûr que... Enfin, moi, ça, par exemple, je savais pas du tout. Ça a du sens, c'est assez intuitif, en fait, quand tu penses, parce qu'effectivement, oui, moi, j'ai le médecin, donc forcément, ça... Voilà. Mais... Ouais. Ouais, t'as vraiment raison. C'est très facile quand t'es jeune de pas... Enfin, c'est très facile. C'est plus facile de pas consulter et de pas... Parce que tu vois pas... Enfin, voilà, les problèmes de santé sont moins présents et tu vois moins... Ou tu veux pas voir les problèmes, tu repousses ça. Aux États-Unis, du coup, il y a une maison de retraite pour les lesbiennes. Parce qu'elles ont beaucoup d'interactions avec les professionnels de santé. Et quand c'est lesbienne, c'est pas chouette. Et du coup, là, elles sont toutes... voilà, et elles ont des professionnels de santé qui sont formés. Ça a l'air un petit peu idyllique. Est-ce qu'on peut y aller? Est-ce qu'on peut réserver sa place maintenant? Oui, parce que je pense que c'est pas facile de se retrouver dans une maison de retraite qui est lesbienne. Ou... Et alors, votre mari, et puis vos enfants? Alors, par où je commence? Et surtout, quand, enfin, nous, c'est quelque chose dont on peut parler quand même assez facilement dans notre génération, c'est pas non plus... rose, mais on peut en parler quand même beaucoup plus que les femmes des générations précédentes. Et quand t'as toute ta vie été dans le placard à te planquer et que d'un coup bah là t'arrives en maison de retraite, donc enfin c'est pas maintenant que ça va changer en fait. Du coup ouais, je pense que tu te retrouves très seule. J'avais une idée pour rebondir sur ce que tu disais et je crois que j'ai complètement perdu. Ah si, bah oui, c'est, en fait c'est pareil que le dépistage des IST, MST ou le fait que puisse y en avoir. Il y a pas mal de lesbiennes à qui on n'a jamais dit que si elles avaient besoin d'être dépistées pour les cancers de col de l'utérus ou du sein, que qu'elles avaient bah, les mêmes risques d'en avoir que toutes les autres femmes. Et du coup, bah, quand tu le sais pas, il y a une espèce d'idée reçue comme quoi on n'a pas besoin de suivi gynéco. Mmh. Ou de suivi sur ces sujets-là. Et d'où après les cancers qui sont moins bien dépistés aussi. Mais même honnêtement, les MST, les IST, genre, c'est des trucs. Il y a quand même eu un gros push pour dire que quand t'as une vie sexuelle active hétéro ou gay mec, genre il faut faire des dépistages réguliers, etc. Avec machin, il faut y avoir un suivi. Pour les lesbiennes, tu vas te choper une petite mycose, quoi, c'est pas très. Y a pas de. Mais c'est pas vraiment du sexe, c'est pas vraiment de transmission, c'est pas vraiment des. Enfin, il y a un peu, et du coup. Ouais, ça c'est. Et à mon avis, ouais, ça c'est visible plutôt que le truc. En fait, c'est une continuité sur toute la vie, et c'est juste qu'effectivement, les problématiques, bah, elles s'ajoutent après en vieillissant. Ouais. Et enfin, là, il y a cette étude sur les cancers, mais je pense qu'il en existe peut-être d'autres sur d'autres maladies. Bah dans les IST, il y a sur le truc sur les chlamydia, là, où en fait il y a une grosse recrudescence des chlamydia chez les lesbiennes. Ah ouais. Et en fait, genre personne n'en parle. Alors que pourtant, pour le coup, cette maladie-là, elle est très présente en ce moment chez les lesbiennes. Mais genre, personne n'est au courant. Super. Et à chaque fois, ça me vénère vraiment ce truc des campagnes de pub, là, parce que, genre, à chaque fois, il y a des trucs sur les réseaux sociaux qui se passent à chaque campagne de prévention qui sort en mode et vous parlez encore pas des lesbiennes, et bah genre ils apprennent pas d'une campagne à l'autre, de nouveau il y a pas de lesbiennes, et genre c'est tous les ans pareil.